بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تابع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله يبيز دونك quelques أبيات qu'on a pu prendre avant la révision, et ni de ce qu'on a pu voir, min al-ma'ani, l'essence que comportent les vers qu'on avait pu voir. قال المؤلف رحمه الله تعالى والناكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدني مع كل عموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهموا ديتا رجد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم لعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلى شروط حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذا هو تمثيل الأبيات qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et on s'excuse par rapport au cours de mercredi dernier, car on a enregistré comme il se faut, mais j'ai pas compris le musajjal à la kolahal, le dictaphone, il a pas enregistré le dars. Donc on va se contenter, inshallah, pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, de faire une révision concise, inshallah, de ce que comportait le cours du dimanche dernier, dans lequel on a pu voir certains des abiyat. On a pu voir la parole du mu'allif rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ قَدْ إِسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ. Que celui qui accomplit une tâche comme elle se doit, قَدْ إِسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ, qu'on doit y lui rétribuer, t'aimes rétribuer la chose par rapport au la récompense par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Mais on a pu voir que ceci s'est englobé dans les ibadat et dans le mu'amalat, c'est-à-dire dans l'adoration et dans les procédés que tu as entre les gens, dans les transactions de commerce et l'akhirihi. Dans les ibadat, si jamais tu fais une chose comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agré, yani, inshallah tabaraka wa ta'ala, narju min al-amil al-ajr. Celui qui fait une œuvre pieuse comme Allah l'aime dans avec sincérité et conforme au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il récompense les personnes qui s'adonnent aux œuvres comme il aime l'agré en les rétribuant terme du récompense dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà comme c'est venu. Hatta on n'a pas évoqué le hadith, mais dans un hadith qui est sahih dans lequel il est dit que le mu'min lorsqu'il fait une œuvre qui est saliha, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait suivre cette œuvre-là un risque yani fi dunya et il lui réserve la récompense yawm al-qiyamah. Donc ça c'est kadhalika parmi les preuves qui nous montrent la véracité de cette qaida là. Kadhalika on a vu évoquer la parole d'Allah Azza wa Jal من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. Celui qui œuvre bien, qui soit un homme ou une femme parmi les croyants, Allah Azza wa Jal lui a promis dans la vie d'ici-bas de lui donner une récompense, c'est-à-dire de lui faire vivre une bonne vie dans la vie d'ici-bas. وَلَنَنَزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et on va lui rétribuer de la meilleure des récompenses, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et كَذَلِكَ dans les procédés que tu as avec les ribad, lorsque il y a une transaction, comme on a pu le voir dans Bab al-Du'ala, c'est-à-dire que quelqu'un, il te donne une rétribution si jamais tu fais cela. Celui qui répond à la réponse, Inch'Allah, je lui donne ceci et cela, un livre parmi les livres, quand même. Donc si jamais il répond à la réponse comme ça a été demandé, on doit lui donner, quand même, on doit lui donner ce qu'il mérite. قَدْ اِسْتَحَقَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى الْعَمَلِ plutôt. Comme on l'a dit, Cheikh Sa'di عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ lorsque quelqu'un est emploi, il te dit, si jamais tu fais ceci et cela, quand même, il y a un contrat qui est bien fait entre vous deux, quand même, si jamais tu fais ceci et cela, eh ben, je te donnerai le salaire de ceci et cela. كَذَلِكَ celui qui ramène, quand même, ce qui est demandé, on doit lui donner son salaire, il doit être rétribué. On a pu voir, كَذَلِكَ que celui qui délaisse l'œuvre dans les transactions, celui qui délaisse l'œuvre sans excuse, on lui a demandé de faire une chose et il a délaissé sans excuse. On a pu le voir que les ulama ils sont d'accord que on doit pas, cette personne-là ne mérite pas le salaire, même si jamais il a fait un tiers de ce qu'on lui a demandé. Ensuite, il a délaissé les deux tiers pour aucune raison. Et ben cette personne-là, on ne doit pas lui donner un tiers de son salaire. Pourquoi? Parce que comme on a pu le voir dans les mu'amalat, le fait que tu signes un contrat avec une personne ou bien tu t'es engagé dans une chose, tu dois tenir tes promesses. Et le fait que tu délaisses tes engagements après avoir donné ta parole, c'est comme si jamais tu avais rompu le contrat qu'il y a entre toi et celui qui a l'engagement qu'il y a eu entre toi et un autre. Donc ça rentre dans le fait de ne pas tenir ses engagements, et ça c'est contraire au kitab et à la sunnah. كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَأَوْفُهُمْ بِالْعَهْدِ. Tamam. كذلك on a pu voir comme le hadith المسلمون على شروطهم, que les musulmans selon leurs conditions, c'est à dire que lorsqu'ils se mettent d'accord sur une chose, chacun des deux parties il doit tenir ses engagements. Donc le fait d'avoir délaissé deux tiers de ce travail là qu'on t'a demandé sans aucune excuse et aucun justificatif, c'est comme si jamais tu avais rompu et pas tenu tes engagements, donc ça annule, comme on a pu le voir, à charte. La condition, c'est ce qui annule lorsqu'elle n'est pas requise. Ça annule la chose qui est conditionnée lorsqu'elle n'est pas requise. Et celui qui le délaisse pour une raison, une raison ou une autre, accident, maladie, une excuse qui est valable, il lui a demandé à celui qui l'a employé ou bien avec qui il y a eu un engagement qui circulait, que il lui donne la rétribution par rapport à la fatigue et par rapport à son investigation. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir par rapport à cette qaida là. وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ. Ça on a pu le voir, comme on a pu l'expliquer dans le cours dernier, que ça revenait à la qaida de الْمَشَقَّ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ, que la difficulté elle ouvre les portes à la facilité. Donc la personne qui trouve une difficulté à faire une chose, il peut la faire mais partiellement, pas totalement. Est-ce que il doit la délaisser, c'est-à-dire ne pas la faire entièrement? Non, il fait ce qu'il peut, et l'autre partie qu'il ne peut pas, il la fait comme il le peut. Comme on a pu le voir à travers les ayats et les hadiths qui prouvent cela. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Comme on a pu voir à travers de nombreux dalils qui nous prouvent que si jamais tu n'as pas la capacité de faire une chose, tu fais ce que tu peux. Donc tu fais ce que tu peux. Celui qui a la capacité de se tenir debout dans la prière le temps que l'imam lit al-Fatiha, il n'a pas le droit de s'asseoir. Si jamais ensuite, après la fatiha, c'est dur pour lui de s'asseoir, dans ces cas-là, il s'assoit conformément au hadith. Salli naham qa'iman fa illam tastati' fa jalisan. Pris debout, si jamais tu n'as pas la capacité, tu le fais assis. Donc là, kadhalika, ça rentre dans cela, ce genre de situation-là. On a pu voir kadhalika, dans cette ta'ida-là, il y a certaines ribadat qui sont composées d'éléments qui sont eux-mêmes ces éléments-là, des ribadat, comme c'est le cas de Shriyam. Celui qui n'a pas la capacité, مثلا, de jeûner, toute la journée, mais laquine la moitié de la journée. Il lui est pas demandé de jeûner la moitié de la journée et de délaisser l'autre moitié. Il délaisse le jeûne tout entier. C'est comme si jamais il était incapable, yani, totalement. Donc là, la partialité, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire d'appliquer, de faire une partie et de délaisser une partie. Pourquoi? Parce que As-Siyam en lui-même, c'est une adoration en entier. Comment ça s'appelle? C'est une adoration tout entière. Tout entière. Elle n'est pas composée d'éléments qui sont eux-mêmes des ibadat. Il y en a au différent de la prière. Au différent de la prière, comme on a pu le voir. La prière, tu peux, parce que c'est, comme on a pu le voir, al recours, c'est une ribada, c'est un élément parmi les éléments de la prière. Kadalika sujud, et la kharihi, parmi les éléments de la prière que tu peux faire. Ces éléments-là qui sont eux-mêmes des ribadat, tu peux délaisser partiellement ce que tu peux pas faire et faire ce que tu peux faire. Et ça, c'est différent au cas du siyam qui lui-même est une adoration à part entière. Tamam? Ensuite, on a pu voir وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمذموم كذلك. Cette qaida là, on a pu la voir, on a pu la voir dans la parole du Mu'allif rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit نعم مطلف مؤذي ليس ومطلف مؤذي ليس يدمن بعد الدفاع بالتي يحسن. On a pu voir que celui qui se faisait agresser ou plutôt qui détériorait une chose pour sa propre personne pour en profiter, ou bien on a pu voir كذلك lorsqu'il détériore une chose, yani pour repousser un mal, qu'il y avait des jugements qui en suivaient. T'am? Et là, Kazalika, cette qaïda-là, elle est ma'rufa, on a pu la voir. Et là, ça revient un peu ce qu'il a évoqué là, dans cette qaïda-là. C'est-à-dire que, à partir du moment où le propriétaire, t'am, il te donne l'autorisation de détériorer une chose, t'as pas à la dédommager. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'autorisation. T'am, celui qui te dit, mon portable, il y en a, je l'utilise à mauvais escient, tu peux le casser s'il te plaît? Yanni, il n'a pas la capacité, il n'a pas la force de le faire, c'est un exemple quand même banal. Et le casse, on ne va pas lui demander à celui qui a cassé de repayer le téléphone. Pourquoi? Parce que le propriétaire lui a donné l'autre relation. Fais le cas, il a dit, Shir, wakul amrin, wakul manashir amin zoni, toute chose dans laquelle il a été donné une autre relation, fais le cas, amrun lay sabul madmoni. C'est une chose que tu ne dois pas dédommager. Fais le cas, à l'islam. L'islam, lorsqu'Allah azawajal, le kitab et la sunnah, ils autorisent une chose, tu n'as pas à là, tu n'as pas à la dédommager. Comme, مثلا, couper la main de ton frère, c'est interdit. Mais celui qui est, comment ça peut l'employer pour, appliquer les sanctions. Les sanctions pénales. Pour celui qui a volé, مثلا, ou celui qui a fait zina et la khiri, on doit le fouetter, si jamais il n'est pas marié, soit de 80 fouets. Et celui qui a volé, le couper la main, quand même. Couper la main, on ne va pas demander de dédommager la main de cette personne-là, ou bien, dédommager les frais hospitaliers pour celui qui aura subi les coups de fouet. Pourquoi? Parce que Ash-Shar, il a autorisé cela. Donc ça, c'est en résumé ce que comprend cette qaïda-là. On a pu la voir de manière plus étalée dans la qaïda qui était avant. وَمُؤْتْلِفُ مُؤْذِينُ لَيْسِ يَدْمَنُوا مَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي يَحْسَنُ قَالَ رَحْمَ وَلَا تَعْبَ كُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ الَّتِي وَهِيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشَرْعَتِي. كذلك il a dit que les jugements dans l'islam, ils ont des raisons. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ont été légiférés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère pas une chose sans raison. Car Allah azza wa jalla, parmi ses attributs, parmi ses noms et ses attributs, Al-Hakim, c'est celui qui est doté de la hikma, de la sagesse. C'est-à-dire que il met les choses là où elles doivent être mises. Et ça ne fait pas partie de la sagesse de légiférer une chose sans raison. Même irtibatan kama yaqulun al-ulama, sans raison. Car ça c'est un acte, ça diminue la perfection dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, lorsqu'il légifère une chose, il le légifère pour une raison. Cette raison là pour laquelle le jugement il a été légiféré, si jamais tu le retrouves dans une autre chose qui n'a pas été prononcée, yani parmi les choses de la vie d'ici-bas, même dans lequel tu trouves pas un jugement clair, net et précis, ou bien qui rentre pas dans une globalité d'un texte du kitab de la sunna, tu veux connaître est-ce que ce jugement là, plutôt cette chose là, a un jugement dans l'islam, tu regardes yani la cause, les causes que tu trouves dans cette chose-là, si jamais tu vois qu'il y a des similitudes avec un jugement dans lequel il a été prononcé et une raison pour laquelle il a été légiféré cette chose-là, eh ben tu la joins. C'est ce qu'on appelle al-qiyas. C'est ce qu'on appelle le qiyas. Et là, pareil. Il dit kullu hukmin da'irun ma illati. Tout jugement, il a la raison pour laquelle il a été légiféré. Et à chaque fois que tu vas trouver cette raison-là pour laquelle elle a été légiférée, tu dois appliquer le jugement qui en suit. Mathalan, comme on a pu le voir avec Mathalan, le khamr. T'as le khamr, il a été interdit. Pourquoi? Parce que il y a iskar, t'as même. C'est une source d'ivresse, t'as même. Donc à chaque fois que tu vas trouver cette cause-là, c'est-à-dire la l'ivresse et la khalihi, pour laquelle a été légiféré le khamr, kazalika, tu vas joindre toutes les choses dans lesquelles ça n'a pas été prononcé dans l'islam ou qui ne rentre pas dans un texte de globalité. Maintenant, on va prendre l'exemple de l'opium et la khalihi, même les drogues. Ça rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a la raison pour laquelle il a été légiféré al-khamr, c'est-à-dire la source d'ivresse. Donc, tout jugement qui seront semblables, tu vas les rentrer, plutôt toute chose qui va être semblable à la raison pour laquelle a été légiférée cette chose-là, que ce soit dans l'interdiction ou bien dans l'obligation, dans le mustahab et l'akhirhi, makro, tu veux faire rentrer dans ce jugement-là. Pourquoi? Parce que al-illa tadour ma'al hukm. La raison pour laquelle la chose a été légiférée, elle est liée au jugement. Où qu'il se trouve, à partir du moment qu'elle est trouvée, cette cause-là, cette raison-là, le jugement kadalika, il est trouvé. Ça, c'est, en gros, yani, le ma'na de ce bait-là. Ensuite, on a pu voir le dernier bait, c'était كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلى شروط حللت محرما أو عكسهم فباطلات فعلما. Il dit, al-mu'allif rahimahu wa ta'ala, que toute condition, à partir du moment qu'il y a une condition qui a été posée, dans un accord, dans un traitement, et autres, cette condition-là a d'être, respectée. Elle doit être respectée. Que ce soit dans la transaction, que ce soit dans le nikah, que ce soit dans n'importe quelle chose dans laquelle il y a une transaction. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur des conditions, cette condition-là, il doit être acceptée. Et il doit être observé, pas violé. Il nous dit, il a shurut am halalat muharrama. En fait, on revient avant. Pourquoi il doit, ces conditions-là, ils doivent être observées? Pourquoi? Parce que on s'est donné un engagement. Tu dois tenir tes engagements. Et le musulman, c'est celui qui tient ses engagements. Qui m'a parlé de la Nabi wa idha wa'ada, ou plutôt yani, el munafiq wa idha wa'ada akhlaf. Lorsqu'il promet, il tient pas ses promesses. Donc le mu'min, c'est celui qui est distant. Des traits et des caractères des munafiq. C'est-à-dire que c'est celui qui, lorsqu'il donne sa parole, il tient ses engagements. كما قال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد تمام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما قال جل وعلا dans بداية سورة المائدة أوفوا بالعقود tenez vos engagements تمام dans les pactes et les transactions et l'akhirah. Il nous dit شيخ رحمه الله تعالى إلا شروطا يعني une exception à partir du moment que cette condition là ce ne soit pas une condition qui rentre en opposition avec le kitab et la sunnah. Si c'est le cas, cette condition là n'est pas prise en considération. Pourquoi? Parce que يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. Toute condition qui ne fait pas partie du kitab et la sunna, c'est-à-dire qui rentre en opposition avec le kitab et la sunna, c'est une condition qui n'est pas prise en considération. Elle n'est pas prise en considération. Donc toutes les conditions, elles doivent ramener les engagements, ils doivent être respectés à partir du moment que ce ne soit pas des choses qui sont en opposition avec le kitab et la sunna. Si jamais c'est le cas, cette condition-là, elle est rejetée. Elle est rejetée. Ça c'est ce que comportait le dars qu'on a pu voir mercredi dernier. Donc voilà, inchallah, pour ceux qui n'ont pas participé, ça c'est le résumé concis de ce qu'on a pu évoquer dans le cours dernier. Et inchallah, on essaie de prendre les derniers vers afin de finir, inchallah, cette manvouma, cette poésie de l'imam Sa'di, alayhi rahmatullah. Faqala rahmahullahu ta'ala, na'am, tustamal al-qur'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi awlada tazahumi. Al-Sheikh, il nous évoque dans ce bait-là, alayhi rahmatullah, que lorsque des choses ou bien des personnes sont liées dans une même chose et tu ignores qui de cette personne-là ou qui de cette chose-là mérite ces choses-là, et dès dans ce cas-là, tu dois utiliser ce qu'on appelle la courte paille, le tirage au sort. C'est pas si jamais c'est une bonne traduction de Al-Qur'an, comme c'est connu, la courte paille, tirage au sort, je crois, Wallah Alam, c'est... Inch'Allah, on espère qu'il n'y a pas de critique à utiliser cette traduction-là pour Al-Qur'an. J'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas fait attention. Donc, disons, yani, le tirage au sort. Lorsque tu peux pas savoir qui de cette personne-là mérite cette chose-là, tu vas pas donner ce rétribut-là à l'une de l'autre personne, car c'est un volume. Car celui-là aussi, Kazal et Kassiam, tu donnes à cette personne-là, et tu donnes d'autres, l'autre il va dire, mais moi, Kazalika, je le mérite, pourquoi tu l'as passé à l'autre? Donc lorsque tu ignores, yani, qui des deux mérite ces choses-là, dans ce cas-là, pour être juste, car l'islam il appelle à l'équité, c'est que tu utilises la courte paille, et tu laisses le décret, yani, ou plutôt tu donnes la chose à celui dont Allah Azza wa Jalla leur a décrété que elle lui revient, et qu'il le mérite. Donc on utilise dans ce cas-là, تام التراجع الصور لا كرتبا إلى آخره تام تستعمل نعم تستعمل القرعة عند المبهمي المبهمي سيم شوز Yani, dont tu ne connais pas, yani, il a voulu expliquer par là, yani, une chose dont tu ne connais pas la personne qui le mérite. T'as mis les droits, ou la dette, t'es affamé. Deux personnes qui sont venues en même temps, sur une chose, t'as même. Mais comme on va voir à travers l'exemple, yani, deux personnes, ils ont trouvé une chose par terre. Et chacun des deux, il dit, c'est moi qui l'ai vu en premier, il a khariri. Tu ignores, yani, qui des deux, de ces deux personnes-là. T'as tu veux juger entre ces deux personnes-là, tu ignores qui des deux. Yani, le mérite. Tout, chacun de ces personnes-là. Et Narami prétend que celui qui l'a vu en premier, tu ignores qui l'a vu en premier. Donc, dans ce cas-là, pour pas être injuste, Inch'Allah, tu fais la courte paille et tu fais Naram. Le tirage au sort est celui dont Allah Azzawajal aura décrété que cette part-là sera pour lui, elle sera pour lui. Donc ça, c'est le ma'ana de ce bayt-là, le sens de ce bayt-là. Al-ulama, yani al-jumhur, la plupart des ulama, ils voient que cette qaïda-là, elle est mise en vigueur et que ce qu'elle comporte comme sens et la khadihi, c'est une chose qui est mise en vigueur différent de certaines personnes parmi, plutôt certains ulama parmi les ahnaf, ceux qui s'attribuent au madhab, à l'idéologie de Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, rahimahullah ta'ala. Eux, ils voient que ce genre d'attitude-là, qui est le Qur'an, ils disent que ça rentre un peu dans comment s'appelle, le jeu d'hasard. La kin, ça, c'est pas sahih, parce que le jeu d'hasard, c'est lorsque deux parties y mettent une somme d'argent, tamam, afin de prendre l'argent de l'autre. Ça, c'est ce qui est connu, yani, bil qimar, en arabe, quand même. Il traduit ça par les jeux d'hasard, quand même. C'est-à-dire que chacun, les deux parties, mettent de l'argent afin de prendre l'argent à l'autre. Et ça, c'est haram. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit, wala ta'kulam wa lakum bil batil. Ne mangez pas vos biens dans le vin, dans les choses qui sont futiles. Donc ça, c'est une chose qui est interdite. Pourquoi? Parce que c'est ma'ruf. Si cette personne-là te propose cette chose-là, c'est que il veut te laisser croire que l'argent va revenir à celui dont Allah Azza wa Jalla il aura décrété naam, lakin les coulées chez lui ça va pas. Pour toute chose il y a une cause. Donc lui il sait que il a une forte probabilité, comme c'est le cas des jeux d'hasard, le loto, le tiercé, la khalihi ou bien la boule, ceux qui jouent maarouf, il y en a un coin qui s'appelle Clichy dans lequel il jouait un jeu qui s'appelle la boule, c'est-à-dire que la personne vient avec une boule de billard, il tape dans la boule et il a une grande roue, et où s'arrêtera cette balle là, plutôt la boule, sur le numéro dont on va s'arrêter, ou bien la couleur dont on va s'arrêter. Si jamais toi t'as misé sur la couleur, ou bien sur le jeu, plutôt sur le numéro, à toi la somme, à toi la somme, en fonction de ce que t'auras misé, la khiri. Donc ces personnes-là, lorsqu'elles font ces choses-là, elles ne font pas par, au hasard, elles ne vont pas payer les employés, la khiri, sur le hasard. C'est des choses qui sont bien, comme ils disent, huilées. C'est juste, il y a une histoire de tromper les gens, tromper les gens. Même Hatta, on a pu voir qu'à certains moments, lorsqu'il lançait la boule, il y a un aimant sous la route. Donc eux, ils regardent, tout le monde mise, ils regardent où la mise, la grosse mise, elle a été, la grosse partie d'argent a été misée, et ensuite eux, ils font en sorte que la boule tombe sur le chiffre inverse, c'est-à-dire pour prendre la grande partie et délaisser, et donner une petite partie après avoir pris Matalan, on va dire, 10 000 euros, ils vont donner 2 000 euros. Donc ils ont fait un bénéfice de 8 000 euros dans 20, ils ont trompé les gens. Et c'est une sorte de vol, t'as et ma'arouf, y'en a le tiercé et la khalihi, c'est genre de choses-là. Si elles auraient été véridiques, directement, lorsque les personnes elles misent, ils n'ont pas le temps de regarder où elle a été mise la mise. Si jamais ils sont véridiques, bah, qu'ils tapent dans la boule, ou bien qu'ils lancent le tiercé à ce moment-là. À partir du moment où toutes les mises, elles ont été faites, et personne, parmi ceux qui, les investisseurs et ceux qui récoltent l'argent, ils ne connaissent pas où est la mise. Ils pourront pas faire ça. Ils laissent un temps, un délai, afin de bien étudier leur ruse et comment ils vont répartir l'argent et ceci et cela. Donc ça c'est ma'rouf. Ça rentre dans le jeu d'azas, dans les choses qui sont haram. Et mimbab al-faïda al-qimar, le jeu d'azar, ce qui est interdit dans l'islam, c'est à partir du moment où chacun des deux parties met de l'argent. Mathalan, on va faire une moussabaqa, une course. Chacun il met 50 euros. Je dis, on dit celui qui gagne la course, celui qui sera arrivé avant l'autre au but final, et ben il prend l'argent de l'autre. Ça c'est interdit, parce que ça c'est prendre l'argent de son frère dans le vin, et kaza les cas, ça peut y en causer al-hadawa, c'est-à-dire l'adversité, la haine et la rancœur et la khalihi. Amma si jamais les deux matalan, deux personnes ils veulent faire une course, et un troisième il vient, il dit celui qui gagne, je lui donne tant et tant comme argent. Ça rentre pas dans le qimar. Pourquoi? Parce que c'est cette troisième personne-là, elle a rien à voir dans le jeu. Mais c'est un bienfaiteur, il veut normalement encourager ces personnes-là, ce que le premier il arrive et il gagne l'argent. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si jamais l'argent il n'a pas été mis des deux parties, Il n'y a pas de problème. Même s'il y a une troisième personne qui vient et les deux, il n'a rien à voir dans la course ou bien la chose dans laquelle il a arrêté mis la récompense, ça rentre pas dans le jeu d'hasard. Dans les cas, si jamais moi et une autre personne, on mise sur une chose, c'est-à-dire que je dis, si jamais tu gagnes, je te donne 50 euros. Et lui, il n'a pas à miser. C'est moi qui soit vais garder l'argent ou bien le perdre. C'est-à-dire que là, je sais. Je suis apaisé, mon cœur est apaisé, et je sais que si jamais je perds, je suis tout à fait d'accord de perdre l'argent ou bien de le garder. Ama, si jamais il y a en contrepartie une mise d'argent, comment ça s'appelle, une somme d'argent, là tu n'as pas le droit, ça rentre dans le jeu d'hasard. Ça rentre dans le jeu d'hasard et ça rentre dans le meysir, car Allah subhanahu wa ta'ala est là interdit. Le meysir, c'est pareil, c'est comme le jeu d'hasard, c'est comme le qimar. Ça, c'est interdit. Donc les ahnaf, ceux qui ont dit que la Qur'an, c'est-à-dire le tirage au sort, c'est comme le jeu d'hasard, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, car le tirage au sort, il n'y a pas de partie qui mise une argent, qui pose de l'argent, c'est quelqu'un qui ne connaît pas à qui donner ce droit, cette chose-là, pour pas être injuste, donc il utilise cette chose-là parce qu'il ne sait pas qui de ces deux personnes-là le mérite, donc il utilise cette chose-là pour pas être injuste et sortir de des choses qui seront blâmables. Il y en a dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et les adillah qui prouvent la véracité de cette qaïda-là, que le Qur'an tu l'utilises lorsque tu ne connais pas la personne qui mérite le ajr, le salaire et l'akhirihi, قولوا سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحرين. Yunus, lorsqu'il s'est jeté à l'eau, dans la mer, il s'est jeté à la mer après être rentré. Il a participé à savoir à qui va sortir celui qui aura la pêche, si je me rappelle bien, celui qui tirera cette chose-là, et ben ça sera lui de se jeter à l'eau. Et Allah a fait que le sort il est tombé sur qui? Sur Yunus, c'est-à-dire que la paille elle est sortie sur lui et c'est lui qui s'est jeté à l'eau. Yani il savait pas de qui c'est qui de toutes ces personnes-là dans le bateau était le plus en droit et amené à sortir et à sauter du bateau, tamam, afin qu'il soit pas noyé la khalihitam al-qissa ma'rufa. Wa kadhalika qala subhanahu wa ta'ala wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum tam ayyuhum yakful maryam. Lorsque Maryam pas mis d'accord, ou plutôt, chacune de ces personnes qui étaient présentes, il était dans le droit de prendre sous sa responsabilité Maryam. Laquelle, on ne savait pas qui était le plus en droit, de la prendre, sous sa responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé, l'aqlam, c'est-à-dire, ils ont jeté les stylos, et j'ai pas regardé le tafsir par rapport à cela. Laquelle, à celui qui, dont le sort est tombé dessus, c'est à lui de prendre Maryam sous sa responsabilité. Et wakadhalika yani fi sahihayn Bukhari wa Muslim an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qalat Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha kana fi safar kana an-nabiy sallallahu idha kana safaran aqraha bayna nisa'ihi. An-nabiy sallallahu lorsqu'il voulait partir en voyage, il était marié, an-nabiy sallallahu avec plusieurs femmes. Donc qui de ses épouses va l'accompagner? Toutes ses épouses, elles méritent de l'accompagner. Qui de ces épouses-là est plus en droit? Il n'y a pas une de ces épouses qui est plus en droit de sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Donc pour pas être injuste, pour pas dire, pour pas que le cœur des autres femmes, soit meftoun et éprouvé en disant, il a choisi elle, il ne m'a pas choisi, il a khélihi, il ne m'aime pas, et ceci et cela. Et nous, on utilise dans ce genre de choses-là, le tirage au sort. Et à celui dont le sort il va tomber, qu'Allah Azzawajal l'aura décrété pour lui, c'est lui qui sortira, c'est cette personne-là qui va sortir, comme ça s'est passé avec les voyages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il voulait voyager avec l'une de ses épouses, il utilisait Al-Qur'an, la courte paille, le tirage au sort. Donc ces preuves-là nous prouvent, ils mettent à néant, le khilaf. Qui est présent dans cette qaïda là. Al-Sahir, c'est que Al-Qur'an, c'est une chose qui est légiférée dans l'islam lorsque tu ignores qui mérite cette chose-là. Donc ça, c'est ma'na Al-Qa'ida. وَإِنْ تَسَوَرَ عَمَلًا اِجْتَمَعَ وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَ. Al-Mu'allif, رحمه الله تعالى, nous fait part dans cette... وَفِيكَ بَرَكَ اللَّهِ. Il nous fait part, Al-Mu'allif, رحمه الله تعالى, dans cette bayt, dans ces vers-là, que à partir du moment où tu vas trouver deux œuvres, qui sont similaires, du même genre, il te suffit de faire une seule œuvre, yani, et cette œuvre-là, ça sera l'équivalent des deux œuvres. Ça sera l'équivalent de ces deux œuvres-là. فَقَالَ وَإِنْ تَسَوَا عَمَلًا اجْتَمَعَا. Si jamais deux œuvres venaient à être, ils doivent être, deux œuvres du même genre, ils doivent être faites. Ils sont du même genre. Il dit, وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَا. Si jamais tu fais un de ces œuvres-là, une de ces œuvres-là plutôt, une de ces œuvres-là qui sont du même genre, il dit, ça suffit de faire une de ces œuvres-là et de délaisser l'autre. Et il dit, فَاسْتَمِعَا, en gros, il y en a que c'est une chose qui a été entendue. C'est-à-dire qu'il y a une preuve parmi le kitab et la sunna qui prouve que tu peux faire tu peux faire une œuvre, et cette œuvre-là, yani si jamais elle est du même genre que l'autre, elle te suffira pour ne pas faire l'autre. Pour ne pas faire l'autre. Cette qaïda-là, comme dit l'ulama, elle est mise en vigueur dans les abwab de l'ibadat, et kadhalika, fi ghayriha min al-hudud, yani dans les sanctions, et la khili ou le dinayat. C'est-à-dire que lorsque, ou plutôt, yani, les ulama, avant tout, ils sont unanimes sur le sens de cette qaïda-là. Que lorsque tu fais une adoration, ou plutôt lorsque deux adorations du même genre, yani, doivent être faites, et tu en fais l'une d'elles qui sont du même genre, yani, ça te suffit de faire l'une et de délaisser l'autre. Les ulama, ils sont unanimes sur la globalité de ce que comporte le sens de cette qaïda-là. Et ikhtalafu, ils ont divergé sur certains, ou plutôt sur certaines des circonstances, et yani, ils ont dit qu'il y a certaines exceptions dans lesquelles yani, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est une qaïda qui est arlabiya, et qui n'est pas mutarida, c'est-à-dire qu'elle souffre d'exceptions, et certaines exceptions, yani, ikhtalafu, ils ont divergé, est-ce que yani, elle est mise en vigueur, et la khiri, donc elle n'est pas jamira, elle n'est pas kulliya, c'est pas une condi, elle ne souffre pas d'exception. Ce qui est voulu dans cette qaïda-là, comme on a pu l'évoquer, matalan, si jamais je rentre dans la mosquée, j'ai envie de faire salat istikhara pour une chose, il y en est bien précise. Et kazalika, elle est demandée à celui qui rentre dans la mosquée qu'il fasse un tahiyat al-masjid, qu'il fasse les deux unités de prière, il y en est pour pouvoir s'asseoir dans la mosquée. Est-ce que je dois faire tahiyat al-masjid et ensuite me lever et faire salat al-istikhara, la prière de consultation, là, car ces deux prières-là sont d'un même genre, et la manière de l'appliquer, c'est d'une même manière, c'est les deux, ils ont du ruku, ils ont des sujoud, il a khiri. Donc le fait que je me contente d'en faire une avec l'intention de réunir entre les deux, c'est suffisant. Ça, c'est la ma'na de la qaïda-là, c'est-à-dire que j'intentionne de faire salat al-istikhara et tahiyat al-masjid. Et yakfi, j'ai pas besoin de me relever et de faire tahiyat al-masjid. Ça c'est ma'na al-qa'ida. Yani istawa amalan istamara. T'as deux œuvres de la même, du même genre, qui doivent être faites en même, dans un même moment. T'as, est-ce que je fais les deux? Non. À partir du moment qu'ils sont d'une même manière, plutôt d'une même kayfiya, c'est-à-dire pour la description, elle est même, et pour l'aboutir à cette chose-là, elle est même, quand même. Donc, tu fais une et tu délaisses l'autre, y a pas de problème, quand même. Kadhalika, ani fil rousse, fil tahara. Non, pas forcément, parce que, مثلاً, tahiyat al-masjid, yani, ala sahih, c'est que c'est wajib, t'as, c'est wajib. Comme on a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani, celui qui veut rentrer dans la mosquée et s'asseoir, yani, fa alayhi tahiyat al-masjid, comme on va voir, inshallah, dans l'usul, il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné. T'as, au salat al-istikhara, c'est une chose qui est quoi? Mustahabba. T'as, c'est une chose qui est mustahabba. Donc, yani, pas forcément, t'as, pas forcément. Wa fi kabarakallah. Wa kadhalika, yani, na'am, comme on a pu voir, مثلاً, dans le ghusl, t'as, le ghusl. Quelqu'un qui a, doit faire, yani, ma'arufi. Yani, yom al-jum'ah, mathalan. Il doit faire le rousse, yani, le jum'ah. Il y a un khilaf de fi, l'akhiri, est-ce que c'est mustahab, est-ce que c'est wajib, l'akhiri. Et, kazalika, yani, il doit faire, il a fait le jum'ah, l'akhiri. Il a eu des rapports avec sa femme. Kazalika, ça oblige le rousse. Est-ce qu'il doit faire deux rousses? Un rousse pour le jum'ah et un rousse, yani, pour le jum'ah? Là, kazalika. As-sahir, yani, ikhtalaf al-ulama. Lakin, as-sahir, c'est que, il suffit d'intentionner un rousse pour les deux. Car c'est une même description, c'est une même adoration. Lakin, c'est juste l'intention qui est différente. Et tu peux regrouper une adoration qui est du même genre et d'un même descriptif à partir du moment que tu intentionnes cela. Kazalika, ça, cette qaïda-là, inshallah, elle est nafi'a. Elle est nafi'a jiddan et elle est répétée beaucoup dans les kutub de, comment ça s'appelle, al-fiqh, dans la jurisprudence. Naam, kazalika, mathalan. La personne qui a, ça c'est dans l'ibadat, et les exemples sont nombreux. dans al-jinayat wal-kaffarat, celui qui a juré de ne pas faire une chose et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alayhi kaffar. Il doit nourrir des pauvres ou bien bon l'esclave. À cette époque-là, c'est dur. Ou bien nourrir, c'est-à-dire nourrir des pauvres ou bien vêtir des pauvres. Et cette chose-là dans laquelle il a juré, ça s'est répété plusieurs fois. Maintenant, il a juré de ne pas aller rendre visite à un de ses compagnons. Pour une histoire qui s'est passée entre les deux, il a halaf. Il a juré de ne pas rentrer dans le bayt de Fulan, de son ami, un tel. Et ensuite, il a vu qu'en vérité, ou plutôt Yanni, il a pas tenu cet engagement-là, il est rentré dans le bayt de Fulan. Et le lendemain, Kadalika, il est rentré dans son bayt. Et le troisième jour, il est rentré dans son bayt, il a khalihi. Donc, il est rentré trois fois. C'est-à-dire, trois fois, il a violé cette kefar, plutôt le fait qu'il ait juré. Est-ce qu'il doit nourrir 30 pots, c'est-à-dire pour chaque fois où il a pas respecté cet engagement-là? Est-ce qu'il doit nourrir pour chaque fois qu'il n'a pas respecté cet engagement-là, yani 10 pauvres, ou bien les nourrir, nourrir 10 pauvres, ou bien vêtir 10 pauvres? La as-sahih, c'est que, il se suffit, quand même, de nourrir 10 pauvres, et ça suffit pourquoi? Parce que c'est une même violation. Même si jamais il aurait dit, je jure de ne pas rentrer dans le bait de Fulan et de ne pas lui parler. Si jamais il lui a parlé en, et aussi Kadalek, il est rentré dans son bait, et ben, pour chaque chose où il a juré, il doit nourrir 10 pauvres, ou bien, vêtir 10 pauvres. Lakin, si jamais c'est pour une même chose, un même sabab, une même cause, qu'il a répété plusieurs fois et il a violé plusieurs fois, à sahir, c'est que quoi? Il ne doit que donner une seule kafara. Kadalika, celui qui a volé, plusieurs fois. Il a volé un blouson, il a volé une voiture, il a volé une moto, il a volé ceci et cela. Dans la même journée, est-ce qu'on va lui couper trois fois la main? Là. Il se suffit d'une, cette sanction-là, elle se suffira d'une seule fois pour organiser tout ce qu'il aura, volé, pour tout ce qu'il aura. Voler. Kadalika, celui, matalan, walayaza billah, celui qui fait azina, celui qui fait la fornication avec une femme, et il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois, on va dire qu'il l'a fait trois fois. Yani, marouf, azina, pour celui qui n'est pas marié, on doit le fouetter, yani, 30 fois. Plutôt, je veux dire 80 fois, 80 fois. Est-ce que, yani, parce qu'il a fait zina trois fois avec cette femme-là, c'est-à-dire qu'on doit le fouetter 240 fois, là. Yani, une seule dinaya. C'est, une violation qu'il a faite. Même si jamais c'est répété, lakin c'est du même genre, c'est du même genre. Donc, dans les cas, la sentence, ça sera, que d'une, une seule sentence pour toutes les fornications qu'il a faites. Même si jamais il l'a fait avec deux personnes là, yani là, c'est, il y a un khilaf, là, il y a un khilaf. Exemple, yani, sont nombreux par rapport à la seule qaïda là. Donc, yani, lorsque deux choses du même genre, ou plusieurs, ils se retrouvent dans un même moment, si jamais ils sont dans le même genre, et là, ils sont dans un même genre, eh ben, tu peux te suffire de faire une de ces choses-là, et ça sera suffisant pour pas faire l'autre. Donc ça c'est, ma'na hadhihi al-qa'ida. Wa in tasawala 'amalan fastami'a, istami'a, wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Yani, fastami'a, c'est une chose qui a été entendue. Et ça nous montre, kadhalika, la facilité dans le din. Que le din, il est pas venu pour mettre des gènes. Mathalan, celui qui, le wudu, il a plusieurs asbab. Celui qui urine, ou celui qui fera le grand besoin, celui qui dort et la khalihi, on va dire cette personne-là, elle a fait ces trois choses-là. Il a uriné, il a fait les grands besoins, et quand elle a dormi. Est-ce qu'on va lui dire de faire le wudu trois fois? Non. Yanni, il se suffit de faire le wudu. De faire le wudu une seule fois, c'est suffisant. Donc ça nous montre, Yanni, que le din, c'est une aisance. Comme a dit Jalla wa ala, wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj. On n'a pas placé dans votre din des gènes. Donc ça, c'est ma'na hadhihi al-qa'ida. قال رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل il nous dit المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى dans ce vers là que toute fois où une personne tamam sera préoccupée par une chose tamam bien précise il a khalihi ce temps qu'on lui aura laissé et imparti yani pour ces choses là il ne doit pas se préoccuper à faire yani une autre chose. J'avais écrit en français, c'est un peu plus difficile, laquelle je vous ai fait, c'est pas mal. T'as la chose qui a été réservée, et elle est pour une autre, la chose qui a été réservée pour une autre, ne peut être préoccupée par une autre. Ça, c'est le marna, had al-bayt. Wa kullu mashghulin fala yushaqqalu. Toute chose qui a été réservée pour une autre, ne peut être préoccupée par une autre. Après, il a dit, mithaluhu, mithaluhu al-marhun huwa al-musabbalu. Une chose qui a été gardée en gage, et kadhalika al-musabbal, c'est l'ard qui et de laisser ou bien une arde, ou plutôt un chemin, dont, il y a peu de personnes qui l'empruntent. C'est-à-dire que c'est une terre qui est délaissée. À partir du moment qu'elle est délaissée, c'est-à-dire qu'elle est réservée à cette chose-là. Tu peux pas venir, toi, à partir du moment qu'elle est toujours réservée, c'est-à-dire maintenant par l'État, ils l'ont laissée réservée, tu peux pas venir et vendre maintenant cette terre-là. Pourquoi ? Parce que là, tu vas la préoccuper, si on peut dire cela, par une autre chose sur laquelle elle a été réservée. Elle a été réservée à ce que elle est délaissée, tu peux pas venir la prendre et en profiter. Kazalika, la chose qui a été mise en gage. Maintenant, j'ai un dain chez une personne. Je demande un dain. Et cette personne-là, il dit, je te donne ce dain-là, je te donne cette dette-là, laquelle, à condition que tu me laisses, en contrepartie de cela, un gage. Une chose qui va m'assurer que tu vas me rendre mon argent. Il lui dit, laisse-moi ton portable, ou bien laisse-moi ceci et cela. Même cette chose-là, elle a été mise quoi? En gage. Mais si jamais il ne rend pas l'argent, il prend cette chose-là qui a été mise en gage et il la vend et il récupère cette somme d'argent qu'il lui a prêté, la dette. Et si jamais il y a une somme en plus, il la redonne à la personne. Il la redonne à la personne à qui il a passé la dette. Il a donné la dette. Donc, à Dalika, cette personne-là, tant que cet objet-là, il est mis en gage chez lui, il ne peut pas se permettre et l'utiliser dans une autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a été réservée. Pour être mis en gage, tu n'as pas le droit de venir et d'en profiter, c'est-à-dire la préoccuper par une autre chose. Ça, c'est ma'na, c'est une qa'ida. Al-mash'ul, la yushaqal, kama qala al-ulama. Elle est plus connue dans ce genre d'expression-là. Al-mash'ul, la yushaqal. Al-mash'ul, la yushaqal. Une chose qui a été préoccupée, réservée pour une chose, tu peux pas la dévier son jugement et la préoccuper par une autre chose. Mais cette qa'ida-là, elle n'est pas arlabi, il y a des exceptions. Mathalan, yani, j'ai donné l'engagement à quelqu'un, une personne, qu'entre 8h et 10h, je vais faire yani, le travail qu'il m'a demandé, mathalan, réparer son portable. Si jamais j'ai réussi, il me dit, yani, avant 10h, mon portable doit être réparé. C'est-à-dire qu'entre 8 et 10h, mon temps il est réservé à ces choses-là, c'est-à-dire à réparer ce portable-là. Je connais mes capacités, je sais qu'en 2h, maximum je peux le faire. Si jamais je l'ai fini avant, alhamdoulilah, j'ai fini ma tâche. C'est-à-dire que j'ai fini à 9h, on ne peut pas dire que l'heure qui reste, je ne peux pas la consacrer à une autre chose. Pourquoi? Parce que mon temps il a été consacré à réparer mon portable. Non, parce que j'ai fini ma tâche. J'ai fini ma tâche, il me reste encore une autre heure, et cette heure-là, je peux l'utiliser comme je veux. Donc cette qa'ida-là, elle n'est pas à prendre dans tous ces éléments-là. Il y a des exceptions. Et qu'à l'écart, as-salah ma'arouf. Yani, comme on a dit, il a fait salat la shurla. Tu es préoccupé dans la prière. C'est-à-dire que tu as des gestes et des paroles à dire que tu peux pas, yani, qui sont réservés dans la prière et tu peux pas ramener d'autres paroles. Pourquoi? Parce que ce temps-là, qui est la prière, elle est préoccupée à certaines paroles et à certains gestuels qui sont réservés à la prière. C'est-à-dire que tu peux pas faire d'autres gestuels. Pourquoi? Parce que c'est réservé à la prière. Kadhalika, matalan, naam, dernier exemple que j'avais en tête, naam, masalan, al-siyam, al-siyam, il a un waqt bien précis. Ce waqt-là, c'est-à-dire du lever du soleil jusqu'à son coucher, il est bien précis, il est consacré pour le al-siyam, il est consacré pour le siyam, c'est-à-dire que ce temps-là, il est mondain, il y a rien réservé. Et comme on va le voir, inshallah, dans l'usul, le temps dans l'islam, pour les ibadat, il est divisé en plusieurs parties. T'as des temps qui laissent à d'autres ibadat d'être fait dans ce même waqt là, matalan, as-salat. La salat, elle a un temps qui est imparti, matalan, al-dhahr. Il a un temps qui est bien réservé, à partir du moment, après le zénith, jusqu'à l'heure du asr. C'est-à-dire que cette personne-là peut faire la prière, dans ces heures-là. Dans ces heures-là, c'est un créneau qui est réservé pour la prière. Est-ce qu'il doit faire forcément dans le première heure de la prière, au milieu et la fin, il y a un temps qui est imparti, c'est-à-dire qu'il peut faire d'autres choses. Un masriyam, c'est une heure qui, je veux dire par là, il y en a qui peut rajouter des ibadat, s'il veut. Un masriyam, c'est un temps qui est réservé au siyam. Tu peux pas ramener un autre siyam dans l'heure du siyam. Mathalan, siyam en ramadan, le premier jour de ramadan, je peux pas venir et faire un jeûne surrogatoire après le fajr. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce temps-là, il est réservé spécialement au siyam. Amma la salat, son temps il est mouassah. Son temps il est mouassah. C'est-à-dire que je peux faire, matalan, yani salat istikhara. Yani, j'ai pas encore pris le dhahr. L'heure du dhahr elle est venue, j'ai envie de faire salat istikhara. Je peux le faire, je peux le faire, mais c'est mieux de faire précéder salat dhahr. Laquelle on parle de, est-ce que c'est possible? Je peux le faire. C'est-à-dire le temps, il est réservé à la prière, laquelle n'est pas consacré totalement à ce genre de choses-là. Donc, yani, kadalika, il faut faire une différence dans ce chose-là, dans cette qaïda-là. Al-mashkhul la yushaqal. Ou plutôt, naam. Al-mashkhul la yushaqal. Al-mashkhul la yushaqal. il y a certains temps qui sont impartis, qui peut laisser le temps à d'autres choses d'être fait, même si jamais il a été réservé ce temps-là, c'est ribada. Donc il y a, kadalika, c'est une ribada, c'est une qaïda qui est nafira, lakin, elle a ses exceptions, c'est-à-dire qu'elle est arlabiya. قال رحمه الله تعالى ومن يؤدي إن شاء الله الصبر إن شاء الله فكم فينيس قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه إن دي شيخ رحمه الله تعالى celui qui s'acquitte pour son frère يعني d'un wajib il a le droit c'est-à-dire dans tout ce qui est en rapport avec l'argent et la khalihi قال له الرجوع إن نوى يطالبه تمام si jamais il a acquitté pour lui une chose un wajib une dette et la khalihi تمام un gage et la khalihi Tam, si jamais il veut, cette personne-là, il a le droit de revenir voir cette personne-là qui il a quitté cette dette-là et lui dire, je t'ai sorti tam, de l'embarras, inshallah, je voudrais que tu me redonnes cet argent-là que j'étais avancé. Tam. C'est ça le ma'na al-bayt. Wa man yu'addi 'an akhihi wajiba, celui qui s'acquitte pour son frère d'un wajib, lahu ar-ruju' inna wa yutaliba. S'il veut, il revient et lui demande. Tam, il le redemande de lui donner l'argent. C'est-à-dire qu'on comprend qu'Adalika, s'il veut, tamam, il fait un don à cette personne-là, il lui dit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu n'as rien à me redonner, Inch'Allah, c'est une sadaqa. Tamam, c'est une sadaqa ila akhirih. Ce bait-là, tamam, il faut savoir qu'il y a certaines choses où tu peux pas remplacer ton frère. Tamam, tu peux pas remplacer ton frère. Mathalan, comme al-kaffara. Tamam, al-kaffara, tu peux pas venir et prendre la place de ton frère qu'à l'exception. C'est-à-dire que donner, mathalan, nourrir 10 pauvres, qu'à l'exception, si jamais ce frère-là, celui qui a donné la kafara, il te donne l'autorisation, c'est-à-dire qu'il intentionne que tu lui acquittes cette kafara. Il n'a pas l'argent, et toi, t'as envie de l'aider. Afin de pouvoir l'aider et finir cette aide, pour que cette aide-là soit complète et aboutie et acceptée, il faut que tu ailles voir cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses dans lesquelles on demande que cette personne-là, elle a une niya. Elle a une niya que toi, tu t'acquittes pour lui cette chose-là. Al-kaffara, tu peux pas venir sans que la personne la sache. Moi, j'ai une kaffara à donner. Toi, tu vois, tu m'as vu, tu sais que j'ai une kaffara. Et tu viens, sans que je le sache, et tu donnes pour moi cette kaffara. Cette kaffara-là sera pas acceptée. Pourquoi? Parce que il faut que, il y a certaines choses dans lesquelles, pour pouvoir t'acquitter pour ton frère, il faut que ton frère ait l'intention. Tam awalan, tam amal ad-dayn lidun ila akhirih. Tam, ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'intention. Tam, ils n'ont pas besoin d'intention. Amal kafara, la budamin, comment ça s'appelle? Niya. Pourquoi? Parce que c'est un ribada. Ad-dayn, il y a pas besoin. Tam, est-ce que lorsque je donne une dette, je dois forcément intentionner le paradis et la akhirih? Là, il suffit que je rende l'argent à cette personne-là. Tam, il suffit que je donne l'argent à cette personne-là. Et si jamais j'espère la récompense et la akhirih, tam, et que je recherche à travers cela sortie de mes comment ça s'appelle avoir tenu ma promesse naram inshallah tabaraka taala, tu seras récompensé par rapport à cela. Lakin, est-ce que c'est conditionné que tu intentionnes afin que la dette soit acceptée? Là tam, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as donné la dette, on va pas demander ce que tu as intentionné. Tam, ça pas on va pas lui dire on rend la dette à cette personne là parce qu'il a pas intentionné. Tam, non, à partir du moment que tu as mis l'argent dans la main, même si jamais tu as été makrouh, tam, t'as senti une répulsion, une personne qui est avare, il a donné l'argent et il est un peu dégoûté, la khairi, on ne lui demande pas que l'argent revienne dans ses mains, parce que il n'a pas intentionné de se décharger de ce qu'il devait donner, la khairi là. Il suffit qu'il a donné l'argent et la khairi. Donc il y a certaines choses où tu ne peux pas acquitter pour ton frère que si jamais ton frère l'intentionne que tu acquittes pour lui, que tu acquittes ces choses-là pour lui, comme c'est le cas de kafara, comme c'est le cas naham de zaka et la khairi. Parce que ce sont des ibadat mahda qui demande une niya. Tam, la zakat, ça demande une niya. Kadal kafara, ça demande une niya. Tam, amal, les choses qui ne sont pas pour une niya, tu peux t'acquitter sans que ton frère le sache. Tam, sans que ton frère le sache. Ensuite, ils ont évoqué la ulama. Celui qui a, mathalan, une dette. Ou, mathalan, lui demander de ramener un garant. Tam, pour une chose, il a khiri. Tam, et le garant, il faut qu'il pose. Mathalan, il veut louer une maison. La personne, le locataire, il dit, je te loue la maison que si jamais tu ramènes, en contrepartie de cela, un garant et une somme pour cela. T'as une somme qui va me laisser, qui va apaiser mon cœur que je puisse te louer cette maison-là. T'as même une avance, il me faut une avance. Donc, l'année, là, le garant, t'as même cette personne-là qui va se porter garant pour l'autre, celui qui veut louer la maison. Lorsqu'il va poser l'argent, t'as même, c'est Marouf, il dit, bittifaq, t'as même, il a le droit de revenir sur cette personne-là, c'est-à-dire la personne à qui il s'est porté garant, lui dire dès que tu es en capacité, dès que tu as la possibilité de pouvoir me rendre l'argent que je t'ai posé, le gage que je t'ai posé, ben tu me rends l'argent. Donc là, il a le droit de lui demander. Il a le droit de lui demander directement. Et ça peut te faire qu'il n'y a pas de khilaf par rapport à l'ulama. Pourquoi? Parce que cette personne, parce que cette personne-là qui a voulu louer, il est parti demander à cette personne-là. Donc le fait qu'il lui a demandé, cette personne-là qui s'est portée garant, elle a tout à fait le droit de revenir et dire « Je veux que tu me rendes l'argent. » Parce qu'il lui a demandé. « Amma mathalan, si jamais je veux faire un bien pour mon frère, sans qu'il sache, afin qu'il soit content, et le jour où mathalan il a une dette, il va voir cette personne-là qui a une dette, et lui dit au fait, ta dette elle est effacée, etc. Car il y a une personne qui est venue, et il a voulu faire du bien, et te sortir de ce fardeau-là, et il a payé pour toi ta dette. » Donc toi, à partir du moment où tu as payé cette dette-là, cette chose-là dans laquelle il n'est pas demandé une niya, une intention, et que tu as fait pour ton frère, même sans qu'il le sache. Si jamais tu n'as pas intentionné, lorsque tu as donné la dette, de ne pas revenir sur cette dette-là, c'est-à-dire voir ton frère et lui dire, bon, au fait, je t'ai payé la dette, mais je veux que tu me rendes l'argent. Si jamais tu n'as pas intentionné, c'est-à-dire que tu as intentionné de faire un don à ton frère, toi, tu n'as pas le droit après de revenir sur cela. Pourquoi? Parce que c'est comme si jamais c'est une hiba. Et comme Nabi Sam il a évoqué, il dit al-raji' ila al-hiba ka al-raji' fil qay' ou kalkab alladhi yaqis thumma yarji' ilayhi. Celui qui revient sur la sadaqa, sur le don qu'il a donné, il dit Nabi Sam, c'est comme la personne qui, ou plutôt c'est comme le chien. Donc yani, voilà l'exemple, c'est comme le chien qui a vomi et qui revient pour manger son vomi, pour nous dire que c'est vraiment une chose qui est mustaqbaha. C'est une chose qui est vraiment qui est blâmable dans l'islam. Donc t'as pas à revenir. T'as intentionné de payer la dette pour ton frère sans lui réclamer la dette après, t'as pas à revenir. T'as pas à revenir sur cela. À moins si jamais, mathalan, t'as payé la dette et le frère il dit, lorsque tu as payé la dette, quelle était ton intention? Est-ce que c'était un don ou bien t'avais l'intention de me réclamer l'argent après? Dans ce cas-là, déjà, awalan, il n'est pas demandé à la personne de poser ce genre de questions-là. Il n'est pas demandé à la personne de demander ces choses-là. C'est-à-dire, est-ce que il lui demande une bayina? Qu'est-ce qui nous prouve que tu as voulu me faire un don ou bien me sortir de ce fardeau-là? Il n'a pas à demander. Pourquoi? Parce que c'est mania. As le fils, c'est-à-dire c'est moi qui intentionne. Tu n'as pas demandé une preuve, yani sur moi, yani sur mes prétentions et la réalité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est moi qui fais, qui intentionne, t'as pas à me demander, t'as pas à demander dans ce genre de situation-là, comme on dit, lève la main. C'est-à-dire que tout revient sur cette personne-là, si jamais il dit, moi j'ai intentionné de te réclamer l'argent, on prend la parole de cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est l'asna. C'est-à-dire que c'est lui qui prononce et c'est lui qui intentionne, donc on prend la parole de cette personne-là. On n'a aucune possibilité de pouvoir savoir ce que son cœur il a intentionné que si jamais cette personne-là ne la fait pas. Donc, on prend la parole de cette personne-là, on lui dit, lui, il avait l'intention de te réclamer l'argent après cela, donc, tu lui rends l'argent à cette personne-là. Donc, elle a même pinniyat. On œuvre, ou plutôt on juge, selon l'intention de cette personne-là. Donc, je crois que c'est tout ce qui est, j'ai pu noter dans ce tarif-là. Donc, il y a des choses, donc, qui demandent une niya, il y a d'autres qui demandent pas de niya. Si jamais tu demandes, il a le droit de revenir, si jamais c'est lui qui le fait de plein gré, selon son intention. Si jamais il a intentionné de te donner, c'est un don. Si jamais il a intentionné de réclamer l'argent après cela, tu dois lui redonner l'argent. Naam, hadha huwa ma'na al-qa'ida. Qala rahimahullah ta'ala, wal wazi' al-tab'i 'an al-'asyani kal wazi' al-shar'i bila nukrani. Et il dit rahimahullah ta'ala, où il nous fait prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit des choses. Allah azza wa jal, il a interdit des choses. Et même j'ai pu l'évoquer dans la qa'ada qui sont passées, que les interdictions dans l'islam, ils sont de deux catégories. Des choses qui sont interdites et dont même l'âme en elle-même, elle retrouve et elle reçoit une répulsion à faire ces choses-là. Comme matalan, akl al-mayta. Akl al-mayta, c'est haram. Akl al-mayta, c'est haram. Manger la bête morte, la dépouille, c'est haram. Et en plus, c'est mustaqbih. La personne, elle reçoit une répulsion. C'est-à-dire que juste le fait qu'on lui dise cette chose-là, tu veux manger la bête morte, il va pas la manger. Pourquoi? Parce qu'il va ressentir une répulsion. Et en plus, c'est haram. C'est-à-dire que c'est interdit. Et t'as des choses dans lesquelles c'est interdit, laquelle l'âme, elle y trouve, comment ça s'appelle, un penchant. T'as un nafs, ou comme a dit Jalla wa ala, inna nafs la ammaratun bisou. C'est-à-dire qu'elle a un penchant vers les choses qui sont haram. comme c'est le cas maintenant chez certaines personnes, elles trouvent un désir dans un plaisir kadhalika dans le fait de voler, comme kadhalika dans zina et l'akhirah, ce sont des choses qui sont interdites, mais dans lesquelles l'âme elle trouve un plaisir. Donc il y a deux sortes d'interdits, des interdits dans lesquels l'âme va trouver une répulsion et elle-même il va pas aimer ces choses-là, et des interdits dans lesquels c'est interdit laquelle il va trouver l'âme un plaisir. Et nous dit al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-wazi', c'est-à-dire la chose qui est interdite, elle n'y peut être naturelle, c'est-à-dire que tu vas trouver une répulsion, comme on a pu l'évoquer, mathalan, manger la bête morte, manger son frère à la khalihi, c'est des choses que l'âme il trouve une répulsion quand même. Donc là c'est un wazi', un manière qui est naturel, on va dire ça, un manière qui est naturel, une répulsion que tu vas trouver en toi-même, qui va faire que tu vas t'écarter de ces choses-là. Et kadhalika, l'islam il est venu dans les choses qui sont interdites, dans lesquelles l'âme y trouve un plaisir, il a mis l'interdiction, c'est-à-dire le jugement, le jugement, et en plus du jugement, il a mis une sanction. Comme c'est le cas du vol, celui qui vole, il lui est demandé, repose en terme, il lui est demandé de lui couper la main. Celui qui fait zina et qui est pas marié, il lui est demandé de quoi? Il lui est demandé de qu'il soit fouetté. Dans le cas celui qui est marié, qu'il soit lapidé. Et là, celui qui boit le khamr, kadhalika, il y a une sanction qui en suit. Être battu, il a fait. Donc, les choses dans lesquelles, yani Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Et l'âme, il trouve un plaisir, afin que le musulman, il soit distant et il s'écarte de ces choses-là. Yani l'islam, il a rajouté à cela une sanction. L'interdit, il suffit d'interdit. Comme on a pu le voir, l'interdit, dans l'islam, yani, il montre qu'il y a un méfait qui soit majeur ou total. Ça suffit. Là, l'islam, il sait, ou plutôt, Allah Azza wa Jalla, il connaît bien ses créatures. Il sait qu'il y a des choses que, même si jamais Allah Azza wa Jalla l'interdit, ils vont pas donner la vraie valeur à cet interdit que si jamais il est rajouté à quoi cela? Il est rajouté à cela une sanction. Afin que vraiment l'âme, elle se tienne à distance, yani, de cet interdit-là. Comme c'est le cas, on a pu citer avec, yani, naam, al-khamr, la sanction qu'il y a dans le khamr, la sanction qu'il y a dans azina, la sanction qu'il y a dans le fait de voler. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il a fait suivre à ces interdits des sanctions afin que les ibad, ils se tiennent à distance, de ces interdits-là. Donc, les choses qui vont te repousser de l'interdit, de deux catégories. Celles qui sont naturelles, c'est-à-dire que tu as trouvé une répulsion, et celles dont on est obligé de ramener une sanction. Pourquoi? Parce que l'âme, il y trouve un plaisir. Et afin qu'il s'écarte de ces choses-là qui est interdit, Allah Azza wa Jal, il a fait suivre à ses interdits des sanctions afin que l'arabe soit mis à distance. Donc c'est le ma'ana de l'bayt. Al-wazi', c'est la chose qui va te pousser, repousser d'une chose. Al-wazi' al-tab'i, anil asyani. La chose qui va te repousser de l'interdit, comment on pourrait dire ça, la chose qui va te repousser naturellement, la répulsion et autres. Al-wazi' al-shar'i, bila nukrani. C'est-à-dire que c'est la même chose que le repoussant que tu vas retrouver dans l'islam, c'est-à-dire que celui qui est venu avec une sanction. Il dit, bela nukran, yani, sans khilaf. Donc là, yani, c'est ce qu'on a pu voir, ou plutôt c'est le dernier bait de cette manzuma, et ensuite il a conclu le mu'allif rahimahullah ta'ala en disant, walhamdulillahi ala tamami, fil ba'di wal khitami wa dawami, thumma salatu ma' salamin sha'i'i, ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Donc il a conclu cette manzuma, al mu'allif rahimahullah ta'ala, وأسكنه فسيح جنته إلى كونت سيت منظومة سيت اكسلنت منظومة سو مختصر سو ريزومي ان لو الله عز وجل يعني كم سي لابيتود دي مسلمون حتى ان الله عز وجل حث على ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يعني نو داني بارول سي لا لونج الله سبحانه وتعالى دونك لو الله عز وجل نو زافوا ايدي ا فينير سيت منظومة دو لاكيل يي افي ان غران بروفي ان شاء الله بور فو كم je l'ai pu, cas à l'écart, le retrouver moi, c'est-à-dire une bonne révision de cette manzuma-là. Donc il a remercié Allah Azza wa Jal, il l'a loué, comme il l'a loué au début, il l'a loué à la fin, et il dit, cas à l'écart, dawami, c'est-à-dire tout le temps. Ensuite, il a prié sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, summa salatu ma salam, sha'i'i. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, le prochain cours, il sera sur, on avait dit, manzumatu wa yakum, منظومه العبريتي تمام c'est-à-dire la poésie de الورقات لكن la poésie de الورقات elle est un peu longue elle fait plus de 200 vers, un peu plus de 200 vers, donc ça va être un peu long. Et le but, Inch'Allah, de ces livres-là qu'on a ouverts, c'est-à-dire Mirkouniya, ou Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, et Kazalika, Inch'Allah, à suivre, dans le Usul, c'est afin qu'on ait des bases qui soient plus fortifiées, afin de mieux comprendre, Inch'Allah, les livres qui vont venir dans la jurisprudence. Donc, Inch'Allah, on va prendre le livre qui est Al-Usul, min 'ilm Al-Usul de Sheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Car c'est un livre, Inch'Allah, qu'on va pas, qui va être simple. C'est-à-dire que Sheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, mashallah, il est venu après les ulama. Et son livre, il y a peu d'intiqadat, il y a peu de critiques et peu de modifications à faire dans son livre. Les définitions qu'il a ramenées et la khirihi, la majorité de ce qu'il a pu ramener, sont conformes à la vérité. Donc on va prendre ce livre-là, car ça va nous faciliter au niveau des annotations qui devront être faites. Elles seront peu, Inch'Allah, et dans les cas, ça vous fera une lecture et du vocabulaire. Et ça vous permettra aussi, dans les cas, de suivre mieux la langue arabe, tamam. Donc, Inch'Allah, on prendra Al-Usul min 'ilm Al-Usul de Sheikh Al-Uthaymin. Car j'avais délaissé ça. J'ai préféré faire l'autre parce que le frère Mourir, il avait déjà fait au frère de Dammaj. Donc, je me suis dit, Inch'Allah, pour compléter l'effort, autant faire l'autre livre. Lakin, l'autre livre, il va être long. Tamam. Il va être long. Même si jamais on prend juste le poème, il va être long. Tamam. Vous avez pu voir, là, il y a eu 50 vers à peu près. Et ça a été long, tamam. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de prendre ce livre-là. Al-Usul min 'ilm Al-Usul. Inch'Allah, on mettra une annonce dans le site, Kadalika dans le forum, et on mettra le PDF, Inch'Allah, qui suit. Mais le livre, il est à disposition de toute personne. Moi, je vous conseille de prendre le livre. Le PDF, c'est de prendre le livre directement. Si vous pouvez l'acheter, Inch'Allah, je pense pas qu'il doit être cher, et il est à disposition. Al-Usul, min 'ilm Al-Usul. Et si vous pouvez prendre, prenez l'édition de Dar et Ibn Jawzi. Il y a un i'tina qui est mieux. Amma, les tabaras qui sont misriya, les maisons d'édition d'Égypte, je vous conseille de pas les prendre, parce que tu peux trouver des sartes, Et c'est mieux de prendre celle de Ibn Jawziyah, elle est mieux. Donc ça, Inch'Allah, on mettra l'annonce et à partir de mercredi prochain. Si jamais il y a au niveau des horaires, il faut changer, faites-moi part. Faites-moi pas, on regarde si jamais les horaires elles arrangent, car là, le temps, il commence à monter. Donc si jamais il y a une horaire qui est beaucoup plus, qui est mieux pour vous, faites-moi part, Inch'Allah, et on se concerte et on regarde. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.